Le laboratoire, en pleine forêt. Les hommes avaient découvert des Baefwish. Comment ? Eux aussi avaient creusé la terre. Ils avaient trouvé des Baefwish en grand nombre. Ils les avaient utilisés comme cobayes au même titre que les rats. Je restais assis contre un des bocaux renfermant un Baefwish mort depuis de nombreuses années, mais dont le corps était conservé par un liquide blanc. Je restais assis. Eratis se dressait devant moi sur ses deux pattes arrière, prête à abattre une de ses griffes sur moi. La lumière de la lune passant par la lucarne quelques mètres plus haut illuminait son sourire carnassier. C'était la fin alors. La tristesse, l'incompréhension, la surprise, tout m'empêchait d'agir. J'étais désespéré. Mila. Il restait Mila et Bouze. J'ai levé la tête. Ratis levait la patte. Et une ombre. Quoi ? Des éclats de verre filèrent dans les airs, tombant comme autant de gouttes d'eau autour de nous. Ratis se protégea le visage de ses pattes avant, et descendant en piqué après avoir brisé la lucarne, Bender alla s'écraser sur une table adjacente, et avec lui, Bouze roula sur la table. Envoie un peu tes atterrissages, Bender. Je sais, allégé de problème de train arrière. Qu'est-ce que... Je ne pouvais pas hésiter un seul instant. Je me suis levé brusquement, et, serrant les poings, je me suis jeté de tout mon poids sur le ventre de Ratis. Les limbes. Voilà, Mila, l'histoire que tu devais savoir. Tout te paraît plus clair ? Non, pas vraiment. Plus complexe, plus... dramatique. Il aurait été plus simple que les rats ne soient que des rats cupides et cruels. Mais non, ils sont aussi victimes que vous l'êtes maintenant. Doit-on pour autant les excuser ? Qu'en savons-nous, nous les pères sévères ? Nous qui, après quelques années, menaçant de révéler l'existence d'un nouveau monde, et en confrontation constante avec ton père, nous avons été bannis de Wish City, bannis de notre ville, de notre peuple, des conseillers devenus conseillers de simples pierres. Nos voix n'étaient plus entendues par personne jusqu'au jour où, ici, dans la galerie Est, quel sera l'avenir désormais ? Ni plus ni moins que le destin qui lie Squeak, Bouze et toi. Ah. Nous avons roulé sur la table. Il y eut un bong. Ratis venait de se cogner la tête contre un instrument scientifique. Une sorte de grande rangée de tubes 10 fois plus grand que moi. Je me suis relevé devant un Ratis encore sonné. Ratis, la confrontation est inévitable. Il est temps de remettre de l'ordre ici. Il est temps de réparer les erreurs de ton père, des hommes. Et les habitants des Hors. Squeak ! Bouze ! Elle, on est dans le labo ! Bouze, faut trouver le moyen de sauver Mila ! Et pour moi, la priorité de ce serait de trouver un moyen de nous sauver, nous ! Bouze, des médicaments ! Il faut des médicaments ! Squeak ! Derrière toi ! Bender et Bouze étaient sur une autre table, quelques mètres plus loin. Eratis, je l'ai senti se lever derrière moi, grondant. Une ombre immense s'étendait devant moi. L'ombre de Ratis. Squeak. J'ai fait volte-face et prenant mon courage à deux mains, je me suis une nouvelle fois jeté sur lui. La surprise aidant, j'ai pu lui décrocher un droit dans la mâchoire. Mais très vite, Ratis reprit le dessus. Je n'y arriverai jamais comme ça, seul, à point nu. Il me vira d'une de ses griffes. Je volais presque dans les airs durant quelques secondes avant de retomber au bord de la table proche du lit. Squeak. Tes amis viennent t'aider. Mais qu'est-ce que... Oh non. Un peu plus loin... Bouze découvrait d'autres bocaux, renfermant des... Des Baefwish ! Ce sont des Baefwish ! Oui, j'avais omis de te dire ça, mais... Bon, moi, quand je suis arrivé ici, ils étaient déjà tous morts, hein ? Mais souviens-toi, Mila, de plusieurs choses qui vous aideront peut-être à faire de grandes choses. Il ne suffit pas d'être grand pour faire de grandes choses. Vos choix, vos décisions influeront sur l'avenir. Ce que vous ferez maintenant... aura de l'écho dans l'éternité. Ratis s'approchait de moi, à quatre pattes, roulant des épaules, grondant, éructant son œil unique flamboyant, si rouge. Tu ne m'échapperas pas cette fois. Ratis. Bender, on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps de chercher un remède pour Mila. D'accord, moi plus vite on est parti, mais on sera venu ici pour rien. Je sais. Allez, décollage! Ratty s'approchait de plus en plus près, la gueule prête à m'avaler d'un coup sec et... Squeeze! Ta main! J'ai tendu la main juste au moment où Bender me frôla. Ratty, c'est moi. Pouze m'attrapa la main et me souleva sous l'œil rageur du rapport. Squeeze! Bender passa dans la lucarne cassée et la forêt apparut alors grande et belle, somptueuse, calme, loin des rats, loin du laboratoire, loin de... Nina. Nous ne pouvions pas sauver Nina. Nous n'avions trouvé aucun remède.